Un conducteur peut être sanctionné si à l'avant est installé un enfant de 6 ans. Réponse A. 8 ans. Réponse B. 10 ans. Réponse C. 12 ans. Réponse D.